Du matin, oui, ça a mis qui m'a venu. Manger midi, ça souhait. Et puis, fia tout en la sortie. Tout en la sortie, côté le bras, l'eau, baronne. Qui va comprendre l'aller? Kaï m'attend. Kaï m'attend. Et puis, on va arriver encore là pour manger, ça compte, m'a mangé. On va. À compte, m'a mangé. Qui signifie que l'eau a mangé à compte, si vous faut tout pour qu'on finisse, manger à finir sur table. Et vous laissez à manger à compte. On n'est pas capable de me faire ça. C'est dit.